Tu as reçu de l'amour dans ton enfance, mais l'amour ne suffit pas à protéger de la peur, du danger, de la souffrance. Comment dès lors bien grandir et avancer? C'est avant tout pour les autres que ton cœur bat. Pour eux, tu te donnes sans compter. Dans ta tête, ça tourbillonne, ça n'arrête pas. Ce serait si apaisant de pouvoir tout quitter. Malgré les repères bancals qu'on t'a donnés, les bons choix tu as su faire à chaque fois. De belles personnes tu as su t'entourer. Qu'il est long le chemin que tu as derrière toi. Ton âme qui danse en souriant aux peines de ton enfance. Elle est tellement belle, elle brille de mille feux. Tu as tant de bonté au fond des yeux. Thank you.